Y'a plus de vrai, non. Y'a plus de vrai, mec. Oh, 2007. La fine équipe. Ouais, ouais. Écoute, yo, moi j'ai pas le temps de piloter tout ce peloton. J'suis pas au top, mec, je le sais, j'suis pas le type inventable. De plein d'essais, j'ai pris d'assaut le micro-logue de mes prestations qui reste assis. J'ai la pression qu'il n'y a que des prétentieux. J'vis près de là, sont prêts à tout pour créer des tensions. Beaucoup en pleurent et certains se forment de faire de la détention. Mais t'entends ça, veulent des dollars comme dans les films d'action. Ça sort de tôle pour y retourner sans en capter la son. C'est quoi ce délire? De quoi se tracasser? J'suis bien déçu de mes fréquentations. Dit aimer, puis on vient de casser du sucre sur le dos. Plus de verre, y'a que des faux, même que des faux. L'homme peut être parfait dans ses défauts et ça se complique, car tout le monde fait comme tout le monde, essayant de dicter leur vécu, mais c'est le désordre. Soyons clairs, les gars, le rap est là pour raconter ses envies et visions, non celles des autres. Y'a plus de vrai mec, y'a plus de vrai non. Y'a plus de vrai mec, y'a plus de vrai non. Ça pue vraiment le faux, le rap n'est pas là pour couvrir les fesses, par la cure ouverte pour mes frères. Y'a plus de vrai mec, y'a plus de vrai non. Y'a plus de vrai mec, y'a plus de vrai non. Ça pue vraiment le faux, le rap n'est pas là pour couvrir les fesses, par la cure ouverte pour mes frères. C'est ma nouvelle devise, Alex, faut que je me surpasse. Faut pas faire de surplace, remonter à la surface. Quoi bon parler du vice, de toute façon tout le monde s'en fout, Alex. J'avoue tout, un nouveau tour dans ce monde de vautours. C'est le vagabond, le gars qui a bon dos. Quand ça va pas qu'on écrasait, sans me sentir rebondir sous vos pieds, c'est sous la paix que je roule ma bosse à la Quasimodo. Ce que j'appelle, j'ai fait ma base sur une vraie vie modeste. Je vis sans modèle, moi je fais pas ça pour dépasser quelqu'un. Le moderne envahit de personnes qui passent leur temps à décalquer quel décalage. Et les petits pensent qu'ils ont déjà l'âge. C'est plus ou fin du mois, c'est tous les jours ou toujours des calculs. De longues fautes ne s'effaçant que par centimètre, il faut s'y mettre. Tu l'es ou pas, dis-toi qu'il n'y a pas de faudrette. Des blancs comme neige, j'ai pas non plus si tu crois te connaître. Attends que naisse le jour du face à face avec ton maître. Y'a plus de vrai mec, y'a plus de vrai non. Y'a plus de vrai mec, y'a plus de vrai non. Ça pue vraiment le faux, le rap n'est pas là pour couvrir les fesses, par la cure ouverte pour mes frères. Y'a plus de vrai mec, y'a plus de vrai non. Y'a plus de vrai mec, y'a plus de vrai non. Ça pue vraiment le faux, le rap n'est pas là pour couvrir les fesses, par la cure ouverte pour mes frères. J'par la cure ouverte pour mes frères. J'par la cure ouverte pour mes frères.